Les groupes de félicitations des Coréens au Japon et de l'Association générale des Coréens en Chine ont visité le 5 mai le Palais du Soleil de Kumsusan pour formuler leur hommage au président Kim Il-sung et au général Kim Jong-il.